ainsi dans les accès d'un impuissant délire, quand un siècle vieilli de ses mains se déchire, en jetant dans ses fers un cri de liberté, un héros tout à coup de la poudre s'élève, le frappe avec son sceptre. Il s'éveille, et le rêve tombe devant la vérité. Ah, si rendant ce sceptre à ses mains légitimes, plaçant sur ton pavois de royale victime, tes mains, tes saints bandeaux, avaient lavé l'affront, soldat vengeur des rois, plus grand que ces rois mêmes, de quel divin parfum, de quel pur diadème, la gloire aurait sacré ton front. Gloire, honneur, liberté, ces mots que l'homme adore, retentissaient pour toi, comme les reins sonores dont un stupide écho répète au loin le son. De cette langue en vain, ton oreille frappée ne comprit ici-bas que le cri de l'épée et le mal accord du clairon. Superbe, et dédaignant ce que la terre admire, tu ne demandais rien au monde que l'empire. Tu marchais. Tout obstacle était ton ennemi. Ta volonté volait comme ce trait rapide qui va frapper le but où le regard le guide, même à travers un cœur ami. Jamais, pour éclaircir ta royale tristesse, la coupe des festins ne te versa l'ivresse. Tes yeux, d'une autre pourpre, aimaient à s'enivrer. Comme un soldat debout qui veille sous ses armes, tu vides la beauté, le sourire et les larmes, sans sourire et sans soupirer. Tu n'aimais que le bruit du fer, le cri d'alarme, l'éclat resplendissant de l'aube sur les armes. Et ta main ne flattait que ton léger coursier, quand les flots ondoyants de sa pâle crinière sillonnaient comme un vent la cinglante poussière et que ses pieds brisaient l'acier. Tu grandis sans plaisir, tu tombas sans murmure. Rien d'humain ne battait sous ton épaisse armure. Sans haine et sans amour, tu vivais pour penser. Comme l'aigle régnant dans un ciel solitaire, tu n'avais qu'un regard pour mesurer la terre, et des serres pour l'embrasser. S'élancer d'un seul bond au char de la victoire, foudroyer l'univers des splendeurs de sa gloire, fouler d'un même pied des tribuns et des rois, forger un joug trempé dans l'amour et la haine, et faire frissonner sous le frein qui l'enchaîne un peuple échappé de ses lois, être du siècle entier la pensée et la vie, émousser le poignard, décourager l'envie, ébranler, raffermir l'univers incertain, aux sinistres clartés de ta foudre qui gronde, 20 fois contre les dieux, jouer le sort du monde, quel rêve! Et ce fut ton destin.